Phonétique. Activité 4. 1. En métropole. 2. Le métro. 3. Les dom-toms. 4. Je parle créole. 5. Je fais du sport. 6. La mer est bonne. 7. C'est très beau. 8. Il fait chaud. 9. C'est en Corse. 10. Je vais au bureau. 11. Je suis à l'hôtel. 12. C'est dans le nord.